بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد ف comme à notre habitude on va faire une brève révision du cours précédent inshallah ta'ala concernant donc l'apparition de l'antéchrist Ad-Dajjal. Qui peut nous faire un résumé de ce qu'on a dit la semaine dernière concernant cette personnalité Ad-Dajjal? C'est une personne qui viendra, qui sortira à la fin des temps. Elle est borne. Ahsan. Ça sera écrit sur son front kafir. Ahsan. Tout croyant pourra le lire, lettré ou illettré. Il parcourra la terre entière, Ahsan. sauf Médine et Mecca. Il ne pourra pas rentrer. Il y aura des anges qui vont le repousser. Ahsan. Il fait sortir des trésors de la terre. Ahsan. Pour pouvoir embêter les gens. Ahsan. Pardon. Il viendra avec deux fleuves, un de feu et un mal. Et celui qui est de feu, c'est celui qui est. Celui qui est de feu, ce sera un paradis, et celui qui est le paradis sera de l'enfer ou sera du feu. Ahsan. Allez, Shabbat, tfaddal. Ahsan, il est pour le moment enchaîné dans une grotte. Dans quel hadith nous avons vu ça? Le hadith de qui? Tfaddal. Hein? Al-Jassasa, Ahsan, donc l'espionne. Et qui a rapporté ce hadith? Tfaddal. Tamim al-Dari, et qui l'a rapporté de Tamim Ibn Awsan al-Dari, radiyallahu an, Ahsant, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Là, on montre un des grands mérites de ce compagnon, Tamim ibn Aws al-Dari, radiyallahu an, que notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a rapporté de lui ce hadith. Il lui rapporta cette péripétie qu'il a vécue lui-même, ce hadith qui se trouve dans le Sahih de l'imam muslim, qu'on appelle Hadith al-Jassasa, le Hadith de l'espionne. Et notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a rapporté à ses compagnons, radiyallahu anhum, cette histoire que lui a rapporté Tamim. Autre chose par rapport à Ad-Dajjal. Il sortira pendant 40 jours. Hein? Ça, on n'en a pas parlé, mais Ahsant, Ahsant, tfaddal. Tous les prophètes ont mis en garde contre lui. Ahsan Tariq, barakallahu fik. Ça, c'est une chose qui est très importante par laquelle nous avons commencé la semaine passée. Le fait que Ad-Dajjal est une personne à propos de qui l'ensemble des prophètes et messagers ont mis en garde. Pourquoi? Ou qu'est-ce que cela nous montre? Tfaddal. C'est la plus grande fitna qui va... Ahsant, barakallahu fik. Le fait que l'ensemble des prophètes et messagers ont mis en garde contre Ad-Dajjal nous montre que cette fitna, cette épreuve, cette tentation est la plus grande tentation qui sera ou à laquelle sera exposée l'humanité. Et notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a rapporté une chose qu'aucun prophète ou messager n'a rapporté avant lui à propos de Ad-Dajjal. Quelle est cette chose? On l'a déjà cité ici. Tfadal Idrissa, smahli. Ahsant, il est borgne. Et notre Seigneur ne l'est pas. Pourquoi elle dit dans ce hadith que Ad-Dajjal est borgne et notre Seigneur ne l'est pas? Tfaddal. Parce que Ad-Dajjal, il va se faire passer pour le Seigneur. Ahsant, une autre de ses caractéristiques. Cette personne, Ad-Dajjal, viendra et se fera passer pour le Seigneur des mondes, tabaraka wa ta'ala. Et donc notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et comme nous l'avons vu, toutes ces caractéristiques, toutes ces descriptions faites par notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ceci afin de nous mettre en garde contre cette grande tentation qui est la plus grande tentation, comme je l'ai dit, à laquelle a été exposée ou sera exposée l'humanité. Donc ces descriptions détaillées ne sont pas anodines. Ceci afin de nous mettre en garde et que l'on puisse se prévenir à l'arrivée de cette personne. Nous avons dit qu'il sortira de quel endroit? Allez, Shabab. Khurasan. Khurasan. Hassan. Là-bas, Barak. Et Khurasan, où est-ce qu'elle se trouve, cette région? C'est en Iran. Non, une partie de l'Iran et une partie de l'Afghanistan aussi. Mais ce qui est important, c'est de savoir que Ad-Dajjal sortira de l'Orient, et plus précisément de Khurasan. Et nous avons dit que il est rapporté dans plusieurs ahadiths que ceux qui le suivront seront les juifs d'Aspahan. Ahsant. 70 000 juifs d'Aspahan. Et comme je l'ai dit la semaine passée, et comme on va le voir encore aujourd'hui, une catégorie de personnes, comme le disent nos savants, qui seront plus à même de suivre Ad-Dajjal. Tfaddal Masih. Hein? Les femmes. Al-Shia. Al-Shia al-Rafida. Pourquoi? Parce que la base de leur croyance, c'est le judaïsme. Ahsan, la base de la croyance de al-Rawafid, c'est le judaïsme, comme le disent nos savants. Et c'est pour cela que ces derniers, qui sont des égareurs égarés, comme vous le savez, comme on va le voir aussi aujourd'hui lorsque je vais parler de notre croyance concernant al-Mahdi, seront les plus à même à suivre Ad-Dajjal. Donc, nous avons vu qu'il sortirait accompagné de 70 000 juifs de Isfahan, Aspahan. Ceci concernant la description de Ad-Dajjal. Barakallahu fikum.